Je vois que les gens, ça leur plaît, mes recherches, mon travail. On est plein à être engagés dans cette voie du mieux pour, au final, le même prix ou moins cher. Franchement, je suis super contente. Bienvenue dans Beauté Imaginée, c'est le 80e épisode aujourd'hui et je suis très contente de recevoir une créatrice de contenu qui partage sa passion pour les cosmétiques clean au quotidien. C'est Emeline du compte M. Turian. C'est du coup le 80e épisode aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Je savais pas que tu en avais 80 déjà. Ah ouais. Chers auditeurs, moi c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Et j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Emeline, toi, on peut te qualifier de la reine des dupes beauté. Ça va être un produit qui va ressembler vraiment beaucoup à un produit haut de gamme ou luxe, mais en moins cher. Donc, ça veut dire que tu prends un produit cosmétique assez connu sur le marché, puis que tu cherches une alternative plus abordable en termes de prix. Mais surtout, ce qui t'importe, toi, Emeline, c'est que ce produit est une meilleure composition du point de vue de notre santé et de l'environnement. Est-ce que ça définit bien? Oui, très bien. Oui, parce qu'il y a des dupes, c'est pas forcément plus clean. Alors que moi, le but, c'est moins cher et plus clean. Mais Double du coup, c'est boulot. Encore plus dur à trouver. Totalement. C'est pour ça que ton compte est une mine d'or. Et ce qui est cool, c'est que tu fais ça avec pédagogie. Parce qu'en plus, tu nous apprends à analyser les compositions des produits de beauté. En toute humilité. Non, avec pédagogie, c'est très réussi. Et les abonnés sont très friands de tes conseils. Tu postes chaque jour sur TikTok où tu es suivi par plus de 96 000 abonnés. Tu postes aussi de plus en plus sur ta chaîne YouTube qui rassemble 6 000 abonnés pour le moment. Et côté Instagram, tu as passé il y a quelques jours la barre des 200 000 abonnés. Bravo. Merci beaucoup. T'as fêté ça? Ben, mes colocs ont fêté ça pour moi, c'est trop chou. Quand je suis rentrée, il y avait des ballons, un goûter et tout. On a fait un goûter de 200 000 abonnés avec des crêpes, voilà. Est-ce qu'il y avait 200 crêpes pour eux? Là, je n'ai pas compté, mais il y en avait beaucoup. Chers auditeurs, je vous rappelle le concept ici. Mes interviews se font à visage caché, c'est normal, avec la philosophie suivante, pas besoin de s'exposer pour parler ensemble de beauté. Et on vous fait participer avec la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Donc voici les trois infos que vous pouvez deviner concernant ma belle invitée Emeline. Quel a été son premier livre marquant? Sur quel projet secret travaille Emeline en ce moment? Et quelle autre langue que le français Emeline a-t-elle dû apprendre? Première question, Emeline, comment tu as eu l'idée de te lancer sur les réseaux au départ? J'ai commencé à vouloir faire du nettoyage pour ma trousse de maquillage et ma trousse skincare. Et c'est en faisant ce nettoyage que j'ai commencé un petit peu à regarder les produits vraiment pour ce qu'ils étaient et leur composition. Et bon, après moi, je viens d'une famille, on a toujours fait attention un petit peu à ce qu'on mangeait, pas forcément à ce qu'on se mettait sur le corps, mais à ce qu'on mangeait. Les compositions, c'était intéressant. Donc, j'ai commencé à fouiller et je me suis dit, bah, il faut partager en fait ce que je trouve. Donc, j'ai commencé à poster surtout sur TikTok. J'ai mis longtemps avant de... Enfin, longtemps, ça dépend qui demande, mais j'ai mis au moins un an avant de m'y mettre sur Instagram aussi. Et parce que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me disais que ça intéresserait pas les gens sur Instagram. C'est vrai que je restais bloquée TikTok. Et un jour, je me suis dit, écoute, j'ai plein de contenu. En vrai, ça pourrait plaire. Donc, je les poste aussi sur Instagram. Et j'ai vu que ça avait plu aussi. Et j'étais trop contente de voir, en fait, que ça plaisait aussi sur Instagram. Instagram, c'est un peu là où il y a nos amis. C'est un peu plus intime, je trouve. Et c'est plus dur de poster sur Instagram. Donc. On se sent un peu moins anonyme, tu trouves, sur Instagram, c'est ça? Oui, c'est ça. Je trouve que sur TikTok, il y a beaucoup plus de comptes anonymes au final, même si sur Instagram, pas mal aussi. Mais moi, j'ai plein d'amis, en fait, sur Instagram et très, très peu sur TikTok. Donc, je me sentais plus libre de poster sur TikTok et de faire mes têtes bizarres et mes trucs bizarres de mon côté, en fait. Et après, je me suis dit, en fait, on s'en fout. C'est important de partager ces infos. Ça parle aux gens. Encore, bon, ça parlerait pas, pourquoi pas. Mais je me suis dit, il y a plein de gens que ça pourrait intéresser peut-être comme moi. Donc, hop, j'ai posté aussi sur Insta. Là, ça fait combien d'années en tout? Sur TikTok, j'ai commencé en 2023, vers mars. Et Instagram, j'ai vraiment commencé à poster en janvier dernier. Ouais. En moins d'un an? Ouais, c'est fou. C'est génial. Et je suis contente parce que mes contenus, tu vois, ils ont plu et tout, mais je vois que ça continue, que même si, tu vois, je buzz plus comme avant, mais quand même, je vois que les gens, ça leur plaît, mes recherches, mon travail. On est plein à être engagés dans cette voie du mieux pour, au final, le même prix ou moins cher. Franchement, je suis super contente. C'est pas juste ton succès à toi qui est déjà super cool pour toi, c'est en plus oui. Le message derrière. C'est ça, ouais. Je me disais, peut-être ça intéressera pas les gens de s'inquiéter de leur composition parce qu'on pollue de plein d'autres manières, mais en même temps, c'est important parce que ben, il n'y a pas d'intérêt à acheter des ingrédients polluants s'il existe des choses qui ne le sont pas. C'est vrai qu'en écologie, on peut vite avoir l'impression que c'est tout ou rien et il faut bien Oui. commencer quelque part. Ah ben, j'ai beaucoup eu droit à ça. Hein. La question, enfin, les trucs tout bêtes tout le temps, mettez un iPhone, mes machins et tout. Bon, c'est vrai qu'il y en a pour qui, si on ne vit pas dans une grotte à poils. Bah, on n'est pas des écolos, on fait, enfin, ça sert à rien ce qu'on fait, quoi. Il suffit déjà d'avoir commencé à avoir une réflexion là-dessus et ensuite de faire des petites choses, c'est déjà bien, en fait, c'est mieux que rien, je me dis. Puis il faut commencer quelque part et il faut que, enfin, c'est comme ça prend du temps, toutes ces recherches, Oui. tu peux pas tout de suite aller sur tous les sujets. C'est ça. Là, j'essaie un peu d'étendre justement sur les habits et essayer de trouver des marques éthiques et tout. Chaque chose en son temps. C'est un de tes nouveaux chevaux de bataille, Ouais, c'est ouais. du coup la mode. Oui, et c'est pas forcément Vinted, même si je trouve ça super bien et que j'achète sur Vinted et tout, mais c'est plus au contraire, si on veut acheter du neuf, où c'est qu'on peut aller acheter? Si on veut du neuf, bah autant essayer de peut-être faire marcher le petit artisan du coin plutôt que je sais pas, H&M et Zara, quoi. Même C'est si j'étais sûr. très grosse consommatrice Zara, vraiment je m'habillais que là-bas. Donc maintenant c'est vrai que je m'habille plus trop ou Vinted. C'est aussi pour moi en fait que je fais ça. Hein. Pareil pour les cosmétiques, c'était une recherche à la base pour moi. Et je me suis dit, je vais partager. Ben là, c'était la même problématique. Je m'habille plus chez Zara et tout, mais du coup, je m'habille où, mis à part Vinted. Vinted, c'est compliqué des fois de savoir, de trouver ce que tu veux. Peut-être trouver des marques éthiques qui font du neuf, quoi. Comment tu définirais ta philosophie? En vrai, moi, c'est surtout faire de son mieux. Déjà, parce que je trouve qu'on est très dur envers les gens qui essaient de faire de leur mieux alors que bah, ils font l'effort. Faire de son mieux pour prendre soin de soi et puis protéger ce qui nous entoure. Il y a eu vraiment un moment où tu as compris qu'il y avait un engouement des abonnés. Il y a eu un moment clé. Ah, les dupes, les dupes. Après, il y a eu les dupes et il y a aussi, quand j'ai parlé du baume du tigre, ça avait pas mal fait bouger. En fait, ça a fait un énorme débat. Les gens étaient outrés, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, il y avait des gens qui comprenaient pas le message que j'avais voulu passer. Du coup, ça a fait un énorme débat et là, j'ai vu qu'une vidéo pouvait faire beaucoup de bruit. Après, Oui, dès qu'il y a interaction. ouais, c'est ça. Et dès qu'il y a un sujet à débat, quoi. Parce que le baume du tigre, c'est un truc qu'on utilise depuis toujours, on connaît tous. En gros, je remettais en cause, enfin, la composition du produit qui se dit ancestral et de la vieille Chine. Ah, de ce que j'avais vu en plus, je crois que c'est même pas chinois. Mais bref, c'était vraiment le baume ancestral avec des plantes, etc. Alors qu'en fait, ben, le composant principal, c'est de la vaseline, quoi. Enfin donc, j'ai dit, ah bon, ben, en fait, si vous voulez, il y a des baumes du tigre qui s'appellent pas comme ça, mais qui sont à base de cire végétale et c'est beaucoup plus, ben, respectueux de l'environnement. Donc, si jamais, voilà, vous avez ça. Et il y en a qui ça a pas plu. C'est toujours délicat, C'est mais ça. bon, toi, tu sais pourquoi tu fais ça et quel est Oui. l'objectif derrière d'aider les gens qui sont intéressés à faire C'est évoluer ça. leur trousse de toilette. Si on remonte un peu le temps, quand tu étais adolescente, quel rapport tu avais à la beauté? J'adorais me maquiller, j'ai toujours adoré me maquiller et j'ai toujours fait du liner, genre c'est un truc qui m'a toujours plu, mais j'ai toujours galéré et je galère toujours, genre, je suis pas la fille qui le fait en entrée, bon je le fais quand même assez facilement, mais quand même, après toutes ces années je m'attendais à une efficacité remarquable, mais c'est surtout ça, enfin j'aimais beaucoup me maquiller, après je me maquillais pas des masses, mais voilà j'ai toujours aimé le fond de teint, le make-up, des yeux surtout, je faisais beaucoup mes yeux. Enfin, d'un point de vue un peu artistique, ou du coup tu t'avais du mal peut-être à sortir sans? Je sais pas. Est-ce que j'avais du mal à sortir ça? Peut-être à une période, ouais. Ça m'a pas marqué. Mais c'est vrai que peut-être à une période, quand j'étais au lycée, bon, on est moins sûr de soi. Alors c'est sûr que quand on commence à se maquiller et qu'après, quand on se maquille pas, on nous dit t'as l'air fatigué. Bon, bah, du coup, on se maquille. Mais maintenant, je m'en fiche complètement, quoi. C'est vraiment le truc qui me passe au-dessus. Mais c'est vrai que, ouais, c'était plus le côté artistique. J'aimais vraiment ça. Je trouvais ça beau, en fait. C'était pas pour plaire aux gens. C'était juste que je trouvais ça très, très beau. Oui, ça te permettait aussi de faire parler ta créativité. Ouais, clairement, ouais. Bah après, moi, je viens d'une section L, option artistique +++, donc j'étais vraiment très, très dessin et tout. L'expression personnelle, c'était mon dada. Tu postes très régulièrement, c'est un gros travail, on le sait. Comment tu t'organises pour travailler? Comment tu trouves ces dupes? C'est de la recherche tout le temps, en fait, sur Internet. Vraiment, je suis tout le temps en recherche. Beaucoup de veille sur les réseaux aussi. Parce que je cherche les tendances. Puis en plus, moi, vu que mon compte, il est un peu axé clean beauty, bah, du coup, je vois pas forcément les tendances se sortir parce que l'algorithme, il a compris que j'étais pas trop Sephora et tout ça, il me montre plutôt du puro bio ou des marques clean, quoi. Et du coup, quand j'essaie, il faut que je cherche assez profond pour trouver des trucs. Et après, pour les dupes, c'est plus. Ça dépend du dupe. Si c'est un dupe skincare, j'ai juste besoin de vérifier les compositions et je cherche les ingrédients communs. Donc après, c'est à moi de fouiller sur Internet les produits qui peuvent ressembler. Et après, quand c'est des dupes make-up, là, il faut que j'ai la texture. Donc, j'achète le produit dont je veux trouver le dupe. Et après, je le teste pour voir comment il fait. Et après, j'essaie de trouver l'équivalent en clean. Mais pas forcément les mêmes ingrédients, du coup. J'ai la même situation par rapport à l'algorithme. Du coup, en général, j'ai que des informations sur la cosmétique naturelle, etc. Et quand tu dis à quelqu'un dans la vie physique, je travaille dans les cosmétiques, ils s'attendent à ce qu'on soit au courant de toutes les tendances, etc. Alors qu'en fait, Oui. il y a plusieurs niches. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'en général, enfin, c'est souvent un produit que tu repères et dont tu cherches Oui. le dupe. Ouais. Ouais. Bah, souvent, je demande du coup aux gens parce que moi, vu que je ne suis pas là-dedans, je ne sais pas trop quels produits sont tendance. Donc, des fois, je demande en story quels produits vous voulez que je trouve en dupe. Ou alors, dans mes commentaires aussi, quand je poste en dupe, souvent, je demande des fois, dites-moi dans les commentaires quels produits vous voulez que je trouve en dupe. Et j'essaie de voir un petit peu lesquels reviennent souvent. Et comme ça, j'essaie de le chercher. Parce qu'après, on m'en demande beaucoup, mais il y en a, c'est pas possible. Genre, surtout des crèmes où il y a 46 000 extraits de plantes, je ne trouverais pas la même à côté, quoi. Donc, c'est quand même dur à trouver. On a un commentaire de Chouchou qui te demande selon toi quel site est le plus fiable pour vérifier les compositions. J'adore ton compte, je te suis depuis quelques temps. Ah, ben merci beaucoup. Et alors, moi, je conseille toujours, pour débuter, d'utiliser l'application Inci Beauty. Enfin, Inci Beauty, vous le dites comme vous voulez. Mais du coup, c'est, je trouve, la plus fiable parce que Yuka, c'est pas spécifique aux cosmétiques. Et Inci, je trouve qu'ils mettent bien les explications sous chaque ingrédient. C'est les ingrédients rouges vraiment à éviter. Les ingrédients oranges, la plupart du temps, c'est des ingrédients polluants. Et les ingrédients en jaune, c'est souvent des ingrédients qui peuvent être allergisants, donc pour les gens qui sont sensibles. Mais sinon, moi, personnellement, j'y fais pas attention à ça. Si tu veux scanner un produit, par exemple, je vais prendre une eau de rose. Si à l'intérieur, il y a souvent pas que de l'eau de rose, tu vois, il y a d'autres petites choses. Et il va me mettre en jaune l'eau de rose parce que ça peut être allergisant pour certaines personnes. Mais en soi, tu es souvent au courant, tu vois. Ça ne veut pas dire que la marque doit arrêter absolument de faire cette C'est composition-là. Ça veut ça. dire que certaines personnes, c'est comme les fraises, il y a des gens C'est allergiques aux ça. fraises, on ne va pas arrêter de commercialiser Exactement, les ouais. fraises. D'accord. Je vois le commentaire pour des cosmétiques sans code barre. Bah, alors, le truc qui peut être pratique, c'est d'aller sur le site web de Inci Beauty. Et là, ils ont une barre de recherche. Et comme ça, vous pouvez chercher ingrédient par ingrédient. Alors, c'est un peu chiant, mais bon, si vous avez vraiment envie de savoir, il suffit de copier-coller chaque ingrédient et ils vous expliquent un petit peu ce que c'est, ce que ça vaut. Ah ouais, génial. Quelle fréquence de publication tu vises aujourd'hui? Sur Instagram, je poste tous les jours. Et une fois par jour, avec là, parce que je vais faire un calendrier de l'Avent de Noël, je suis très très motivée. Du coup, je risque de poster 2 fois par jour pendant juste le mois de décembre. Et après, sur TikTok, j'essaie. Alors avant, j'étais à 4 vidéos par jour, mais j'y arrive plus. Donc, je suis à 2-3, genre plus 2 en ce moment. C'est déjà énorme. Ouais, j'essaie. Mais il y a tellement de recherches que c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps de faire 4 vidéos. Il y a toute la partie recherche, évidemment, pour le fond, mais en plus, toi, tu dois quand même Oui. te filmer, évidemment, faire le montage, C'est poster la ça. description et tout ça. Le plus long, je dirais, c'est la recherche quand même. Et après, peut-être le montage. Mais filmer, ça va super vite. Et Mais peut-être que tu en enchaînes plusieurs d'un coup? quand j'ai la flemme de filmer, par exemple, ben, je vais juste peaufiner toutes mes idées pour après, plus tard, un jour où je suis motivée, je les filme toutes. Et des fois, je vais les filmer une, puis j'ai la flemme, donc je vais plus travailler. Voilà, c'est vraiment genre en fonction du mood. Ta plage horaire de travail, elle se constitue comment? Alors normalement c'est 9 h, je dirais 18 h, 17 h. Sauf que je vais, c'est tellement aléatoire parce que je vais à la salle de sport maintenant le matin, donc je commence plus vers 10 h 30. Et après je dirais que bah, des fois je travaille jusqu'à 10 h et des fois je m'arrête avant de manger. Ah Des ouais. fois en ce moment je travaille plus tard, en ce moment je finis tard. Le week-end, t'arrives à... Non, du lundi au dimanche. C'est trop drôle, mais avec ma mère, on a dit le mercredi, c'est la journée des enfants, ça, c'est la journée des parents. Du coup, on se rejoint et on passe la journée ensemble et c'est un peu ma journée off. Le mercredi, c'est ma journée off. Cool comme rituel, ouais. Ça fait du 6 jours sur 7, plus bien sûr enfin, le fait de répondre aux Ouais, différents oui, même quand tu messages. travailles pas, tu es au taquet puisque je fais mes publications quand même, je réponds aux gens, enfin ouais. Donc j'essaie en tout cas. Donc ouais, même si tu es en off, c'est quand même un peu collé à ton téléphone quoi. C'est bien pour ça qu'il faut que ce soit une passion. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, clairement. Hein. Pour trouver, par exemple, là, pour constituer ton calendrier de l'Avent, est-ce que tu es aidée? Tu travailles avec une agence ou enfin comment ça se passe? Non, non, le calendrier de l'Avent, c'est moi qui gère tout là. Donc du coup, ça va être une organisation. J'ai pas encore tout finalisé, mais en gros, je vais faire un concours tous les jours avec un tableau. Et comme ça, je vais essayer de rester organisée et avoir tous mes gagnants. Dans la description, il y aura écrit faut me répondre vite pour avoir votre colis, parce que sinon ce sera Dex parce que j'aurai pas le temps. Mais sinon, c'est moi qui organise le concours. Et j'ai proposé à quelques filles sur Instagram de le faire avec moi quelques jours pour avoir plus de cadeaux et tout. Et puis pour parler avec elles, je les aime bien. Donc voilà, pour faire des petits feats. Des créatrices de contenu, du coup. Ouais. Beaucoup de projets en même temps, beaucoup de travail, Oui. on le comprend. Et par exemple, je me souviens qu'au mois de septembre, il y avait un dupe que tu étais super contente de dénicher. C'était celui de la bébé crème de Herborian. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour le repérer? Ça faisait un moment que je voulais le choper. J'avais pas encore acheté le produit parce que il coûtait un peu cher et tout et je m'étais pas chauffée. Et là, en fait, du coup, je suis allée l'acheter en petit format chez Sephora. Et après, je suis allée me balader dans une parapharmacie. Et enfin, je l'ai testé d'abord pour la texture et tout. Et je l'ai emmené avec moi dans une parapharmacie. Et j'ai commencé à tester toutes les. À texter. À tester toutes les bébés crèmes clean que je trouvais pour trouver un peu la même texture et la même teinte. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Et quand D'accord. j'ai trouvé, je Alléluia. yes! Ouais, Et c'est ça. ça veut dire que tu passes aussi du temps, oui, dans les magasins, devant les étiquettes, forcément, à tester sur ta peau et tout. Surtout pour les dupes, quoi. Pour expliquer aux auditeurs pourquoi il y a des différences de prix, du coup, si les produits sont très similaires. Mais il ne faut pas oublier que pour des grandes marques, il y a un gros budget communication publicité. Donc Oui. souvent, c'est ça qui peut être un peu intégré dans le prix et qui fait qu'il y a des grosses différences. Mais est-ce que du coup, les marques de produits que tu vises au départ, que tu veux imiter avec le dupe, est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà contacté pour râler? Non, j'ai pas eu de marque de dupes qui m'ont. C'est des grosses marques, je pense qu'ils en ont rien à faire. Ça changera pas grand-chose qu'une petite créatrice dise que ah bah ça c'est pas très clean, ça c'est plus clean. Sauf si vraiment mon impact il était mondial. Et surtout maintenant j'essaie d'avoir un discours vraiment en mode factuel et pas n'achetez pas, mais plus moi j'ai, enfin il y a ça à l'intérieur, ça c'est ça. Est-ce que vous voulez ça ou pas? Non. Bon, ben, du coup, moi, j'ai trouvé ça. Voilà. Mais pas en mode, je vous conseille de pas acheter ça, c'est pourri, achetez plutôt ça. Non, ben, c'est ça m'a valu des trucs, donc je préfère maintenant être factuel. Je pense que tu ne dois pas sous-estimer ton impact, hein parce que ça donne l'idée à d'autres. Enfin, c'est il y a quand même un mouvement un peu enfin global, je pense. En vrai, je m'en rendais pas compte de l'impact jusqu'à ce qu'on me dise un jour qu'il y a un magasin qui a fait, justement, à cause de cette bébé crème, rupture. De bébé crème, genre il n'y en avait plus de la bébé crème du dupe de Herborian parce que j'en avais parlé. Genre les gens venaient parce qu'ils avaient Wow. vu ma vidéo. J'ai dit, ah, mais no way! Ah, génial. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ta vidéo, tu te rends pas compte sur le terrain de ce qui se passe, tu vois. Pour moi, je pensais pas qu'il y aurait une rupture de stock parce que j'avais parlé d'un truc, tu vois. Même si elle avait fait des vues, mais du coup. Et en plus, j'ai eu plein de retours des gens qui étaient contents et tout, donc ça c'était trop bien. Ah Quand bah je vois les oui. gens, ils testent, ils font comme moi et tout, après ils sont là, ouais, franchement, c'est la même chose, trop bien. Est-ce que tu as déjà été invité à des événements beauté? Ouais, j'ai fait quelques événements. Enfin, c'est tout le temps à Paris, donc c'est un peu loin de chez moi, mais en vrai, c'est trop sympa. Surtout de voir les gens avec qui tu parles par mail, en vrai. Ça met tout de suite de l'humain et tout, et donc j'adore. J'ai rencontré pas mal de créatrices que j'apprécie beaucoup maintenant, donc ça aussi, c'est cool. Ça me fait faire pas mal de rencontres. J'avais des appréhensions au début parce qu'on dit toujours que le monde de l'influence, c'est un monde d'hypocrites. Et enfin, voilà, le stéréotype, c'est souvent ça. Le monde de l'influence est bah, pas forcément joyeux et très superficiel. Et au final, moi, en tout cas, les événements que j'ai faits, pas du tout. Genre, après, peut-être, hein, mais moi, j'ai pas vu. Et j'ai rencontré des nanas trop sympas. J'ai passé des super bons moments. Donc, franchement, non. Moi, j'ai grave kiffé ces petits moments que j'ai passés avec les marques. C'est un métier assez solitaire, même si paradoxalement tu es en contact avec plein de gens toute la journée, mais physiquement, c'est assez solitaire, donc ça doit faire plaisir de voir des personnes qui ont les mêmes problématiques, etc. Ouais, j'ai pas fait beaucoup d'événements qu'avec des filles qui parlent que de clean beauty. C'est souvent un mélange de plein de comptes différents. Et du coup, c'est cool parce que tu connaissais pas tous ces milieux-là, tu vois. Et donc, du coup, tu découvres plein d'autres milieux, plein d'autres gens, leur façon de vivre, leur façon de travailler et tout. Et je trouve ça super intéressant. Purple Dreams, si tu es à l'origine aussi des ruptures Aromazone. Ben, en vrai, je sais pas, mais peut-être, je sais pas. On m'a pas dit, ils m'ont pas contacté pour me dire tout le monde est venu aujourd'hui parce que tu as fait une vidéo. Mais je sais pas. J'aimerais bien, hein, mais après, bon, c'est vrai que c'est relou parce qu'Aromazone, j'en parle tellement, mais maintenant, il y a souvent des ruptures de stock. Donc, des fois, là, tu vois, j'ai un dupe. C'est avec un produit Aromazone, mais du coup, je vais pas le poster maintenant parce qu'il y a rupture de stock. Donc, ça sert à rien. Les gens, ils vont être bon, ben, super, mais on peut pas l'acheter. Ah Donc, d'accord, je comprends. Oui, tu l'as dit en story, en fait. ouais. Oui, bah oui, tu vas pas le conseiller maintenant si j'avais pas réalisé. C'est ça. D'accord. Oui, sinon il y a une Mais petite frustration des gens, ben faut que ce ouais, ça, soit. là, tu nous proposes une solution, mais elle n'est pas disponible. Bon. Oui, carrément. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser des partenariats? Sûrement pas un d'Aromazone, on le comprend, t'aimes beaucoup. Aromazone, j'étais trop contente qu'il me contacte, oui. Non, ah oui, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein. Même, tu vois, des giftings, j'en ai refusé plein parce que ben, les gens, ils envoient sans vraiment savoir qui t'es. Et donc, moi, je suis là, bon, bah, désolée, mais ça ne me correspond pas du tout, quoi. Et pareil, du coup, pour les partenariats, des fois, ils ne regardent pas trop qui contacte. Et du coup, je me suis retrouvée avec des marques, j'étais là, bah, non, désolée, les produits, oh, je reste respectueuse, tu vois, je suis là, juste, la composition, ça ne me correspond pas. Donc, ouais, il y en a plein que j'ai stoppé, ouais. Puis parallèlement, vu comme là tu t'es implantée comme représentante des compositions voilà, alternatives, plus naturelles, c'est vrai que pour une marque qui serait pas vraiment clean, ça serait du pain béni de passer là, quoi, pour Bah, redorer son peut-être. image. C'est vrai, peut-être, ouais. Donc parfois, je pense qu'elles ont très bien Ah, compris qui tu étais et elles peut-être. espèrent. Moi, je suis trop naïve. Ouais, peut-être, hein, en vrai. Mais bon, non, je regarde tout le temps la composition. Oui, en tout Et quand c'est des cas. projets, ouais, à chaque fois, quand c'est des projets, des fois, c'est des projets pour un produit qui va sortir, je leur dis que je veux la composition. Et si je la valide pas, même si on est sur un contrat et qu'on est OK, si je la valide pas quand c'est sorti, je fais pas le contenu, quoi. Il faut que ce soit vraiment ma définition du clean, parce que chacun a ses critères, mais il faut que ça corresponde au mien. C'est comme ça que tes abonnés peuvent te faire confiance de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors, tu peux nous raconter un partenariat que tu as beaucoup aimé faire, une marque vraiment enfin, dont tu as adoré le produit ou le concept ou... Je dirais Aromazone parce que j'ai tout le temps parlé d'eux. Franchement, j'étais trop contente de pouvoir faire mon premier partenariat avec eux. C'était pour en plus l'acide hyaluronique que je kiffe. Donc franchement, c'était surtout, ouais, surtout Aromazone. Après, il y en a plein de façons. Souvent, des fois, il y a des marques que je découvre, mais souvent aussi, c'est des marques que je connaissais de loin et tout, et que je trouvais stylées. Et donc, du coup, bah, ça permet d'entamer des discussions et tout, enfin, d'en savoir plus sur la marque. Parce que je pose beaucoup de questions souvent avant de travailler avec eux, forcément. Mais bon, c'est celui qui marque le plus, c'est Aromazone, parce que j'en ai tellement parlé que fallait que ça arrive un jour, c'était mon goal. Fan numéro un, c'est toi qui as fait la démarche ou c'est eux qui sont venus à toi à force d'être tagués? Je sais même plus. Mais en fait, ça s'est fait petit à petit parce qu'après, ils ont commencé à m'envoyer quelques produits. Et puis après, on a commencé. En fait, on se connaissait à force. Donc, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Sandrine nous dit, oui, grâce à toi, j'ai connu plusieurs marques clean que je ne connaissais pas. Ah, ben trop bien. Franchement, c'est le but. Vous présentez plein de marques. Même moi, j'en découvre tout le temps. Hein. En France, on est un pays créateur de Ah oui. cosmétiques. Il y en a des nouvelles chaque jour. Je Ouais. crois qu'il y en a deux qui naissent par jour en France. Ah oui, bah d'accord. Il y Il a beaucoup. y a de quoi faire. Ouais, Tu vas grave. analyser encore longtemps des compositions C'est parce que ça. ça C'est tourne ça, c'est beaucoup. ça. En plus, c'est un marché nouveauté dépendant. Enfin, même une marque très implantée, elle a besoin de renouveler ce qu'elle propose. Ça marche comme ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3 ans? Le million d'abonnés. Bah ouais, franchement, que ça continue parce que moi, je kiffe faire ça. En fait, moi, mon goal, c'est peut-être bête, mais c'est vraiment genre être l'influenceuse connue pour vraiment mettre en avant des concepts clean, tu vois, genre que ce soit les habits, que ce soit la cosmétique, etc. C'est vraiment, j'aimerais bien plus tard me développer là-dedans. Et vraiment être la référence un petit peu de si tu cherches des choses saines et tout, et ben tu sais que sur mon compte en tout cas, c'est que ça que je propose, tu vois. Il y a Brigitte qui dit merci pour ton aide. Oh ben avec plaisir. quel est ton produit cosmétique incontournable? Est-ce qu'il y en a un? Bah oui, j'ai réfléchi un moment parce que moi, je suis adepte des routines, mais du coup, tous les produits sont assez importants. Mais au final, moi, il y a un truc que j'adore, c'est les brumes et les lotions toniques. Vraiment, j'en mets tout le temps. Quand je sors de la douche, ça tiraille juste dans le visage et j'adore. Pareil, avant de me maquiller, enfin tout le temps en fait. Quand il fait chaud aussi, ça rafraîchit. Enfin, j'en ai tout le temps. Des eaux florales, des lotions toniques, ça dépend. Mais de toute façon, souvent, j'utilise dans ma routine une eau florale et ensuite une lotion tonique. Donc, t'aimes bien le côté frais, puis peut-être les senteurs. Surtout le côté frais, ouais. Et puis vraiment, je trouve que pour commencer une routine, c'est indispensable. Genre vraiment, quand tu mets ton sérum juste après, tu sens qu'il fallait que ta peau soit un petit peu hydratée avant de le mettre. J'adore. Est-ce qu'il y aurait une gaffe cosmétique que tu aurais faite un jour avec un produit peut-être mal utilisé? C'est pour qu'on rigole un peu, qu'on Mais se moque. après, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'en ai parlé à ma mère parce que j'ai demandé est-ce que j'étais un souvenir et tout. Et elle m'a dit non, mais par contre, tu peux raconter ma gaffe. J'ai dit ah, bon, ben, si tu veux. Et en fait, Vas-y. c'est un truc bête, mais c'est vrai que les crèmes solaires minérales, on s'en rend pas trop compte, mais ça peut être très blanc parfois. Et donc, faut bien en mettre la dose, mais faut bien l'étaler, quoi. Enfin, bref, c'est une façon de faire. Et elle, vraiment, elle s'est pas du tout rendue compte et elle a pris la dose et elle s'est étalée ça. Et à la fin, elle était blanche, mais vraiment, c'était Plâtre. abusé. Plâtre, ouais. Et elle n'arrivait pas à l'enlever. Genre, elle était bloquée comme ça. Elle essayait de se l'étaler et tout, mais elle était bloquée. Bref, du coup, on a bien rigolé. Alors qu'on est blanc, tu vois, genre, c'est censé bien pénétrer, ça se voit pas trop. Mais là, c'était pas possible. On Oui. n'arrivait à rien. Merci pour toutes ces réponses. On voit qu'il y a plein de projets en cours sur des belles valeurs. On va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Puisque, chers auditeurs, là, c'est à vous de participer. Dans Beauté Imaginée, vous imaginez de votre côté ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Quel a été le premier livre marquant d'Emeline? Sur quel projet secret travaille-t-elle? Et quelle autre langue que le français Emeline a-t-elle dû apprendre? On a eu alors Harry Potter, Le Ouais. Seigneur des Anneaux, Les Quatre Ah, Accords j'aimerais bien le lire. Toltèques, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Qu'en est-il, Emeline? J'aurais dû mettre un truc philosophique. C'est Les Mémoires de Geisha. C'est un livre sur le Japon, l'ancien Japon. Et en fait, depuis que je suis toute petite, je suis une fan du Japon. J'ai énormément lu de mangas. Et le premier livre que j'ai lu, c'était celui-là. C'est ma tatie qui me l'avait donné, je crois. Elle m'avait dit que ça me plairait. J'ai adoré. Et ils ont du coup fait une adaptation au cinéma. Et le film est magique, vraiment. Moi, je suis une grande fan. Donc voilà. Passionné par le Japon et sa culture. Ah oui, clairement. Ouais. Tu y es déjà allé? Non, mais c'est un rêve. C'est mon rêve ultime. Déjà, il faut aller souvent hein, pour y aller. Hein, parce que bon, Bah oui, ça c'est c'est un petit loin. périple. Ouais. Sandrine l'a lu aussi et nous dit effectivement, il est vraiment bien. Ah ben voilà. Je suis contente qu'il Parfait. t'ait plu aussi. L'autre devinette que nous avions aujourd'hui, c'est donc le projet secret. Donc là, on a eu plusieurs propositions. Sarah Gourmandise demandait si tu travaillais sur un livre. Mouni aussi proposait un livre et disait « J'ai tellement hâte ». Mélie, coucou Mélie, qui demande si tu écris un livre. Bah, Il n'a pas 40 000 des idées. Juju, elle écrit un livre. Fait Maison nous propose ce serait l'écriture de son livre, car son autre projet, elle l'avait réalisé, fêter ses 30 ans à Rome avec sa maman. C'est Une ça. Ah, trop chou. fidèle fait Ouais. maison avec amour qui a tout suivi. Trop chou. Faire un tour du monde, nous propose Chris. Ah, je sais même pas si ce sera un rêve, hein, parce que ça a l'air fatigant. Faire un tour du Japon, ouais, grave. C'est un livre, mais c'est vraiment un projet début, début, début, début. Je ne sais pas si je peux en dire beaucoup, mais juste ça, déjà, je peux parce que je sais que j'en avais parlé en story de ce projet, mais voilà, c'est ça, ouais. Sur ton domaine des cosmétiques, Oui, puisqu'on ce ne est. sera pas une biographie, Ah bah sera attends, pas un roman SF, un guide du Japon. Ah, ça, peut-être plus tard, écoute. Non, il y en a déjà qui les font très bien, je pense. Troisième devinette qui est la langue parlée. Là, on a eu plusieurs proposés aussi. On a eu arménien, vietnamien par Sarah Gourmandise, arménien pour Sainte Bernard, Mélie a proposé le chinois, Juju l'italien, espagnol pour Chris. tu me proposes un truc simple, genre tu t'imagines que ça va être une langue de fou, mais non, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que j'ai toujours été très très nulle en anglais. Vraiment, genre, j'ai eu 5 au bac, vraiment nulle. Je me suis retrouvée à partir à Londres après mes études. J'ai rencontré mon ex là-bas et du coup, pendant 4 ans, on est restés ensemble. Projet d'aller aux États-Unis et tout. Et du coup, bah, j'ai dû apprendre l'anglais. Et au début, eh ben, on parlait via Google Traduction. Ah oui, à ce point-là, oui. Ouais. Donc en effet, C'était marrant. et par contre, t'es super à l'aise? Oui, je dirais pas, genre, je comprends tout tout le temps, mais je peux avoir une bonne conversation avec des Anglais. Ouais. Est-ce que tu peux Franchement. travailler en anglais? Est-ce qu'il y a Je déjà eu des marques? pense, ouais. Oui, je pense qu'il y a des marques qui me demandent à faire de contenu en anglais. Je peux. Mais après, à Londres, j'ai travaillé dans des trucs en anglais, donc je peux, oui. Comme quoi, l'amour permet aussi de Franchement, progresser. ouais, je regrette pas du tout ça, c'est trop bien. Je vais poster ta photo mystère. Tu peux nous dire, elle est en pleine nature ou est-ce que c'était cette photo? C'est à La Réunion parce que toute ma famille du côté de ma mère est de La Réunion. Ma mère est née à Madagascar et voilà, toute ma famille est là-bas. Donc ça m'arrive d'aller les voir. Trop bien. Merci beaucoup. C'était trop bien. Ben ouais, merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Bravo encore pour ta pédagogie sur les réseaux. Je pense que plus d'un consommateur a pu faire évoluer sa trousse de toilette grâce à toi. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et chers auditeurs, j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce live. On a abordé beaucoup de sujets. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aventures d'Emeline, vous l'avez compris, c'est sur Instagram, TikTok, YouTube avec le compte Emturian, Emturian, pour faire évoluer vous-même vos produits de beauté vers du clean et optimiser votre budget beauté en même temps. Et pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts. Les podcasts sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, etc. Dernière question, Emeline. Pour une prochaine interview dans Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité? Oui, par exemple, tu pourrais proposer à Vic plus Green. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir son interview, vu que elle est aussi très très clean beauty, mais pas que. Elle parle aussi d'autres choses. C'est beaucoup plus large que moi, mais je trouve que ça peut être intéressant. Voilà. Excellente idée. Je suis d'accord, le fait d'avoir pourquoi pas une discussion un peu plus large et en entonnoir sur les cosmétiques, ça peut être super cool. Puis elle est super gentille. Encore merci pour cette interview et on se retrouve pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. À Merci bientôt! à toi. Salut! Je vois que vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette interview. On se donne rendez-vous sur les réseaux, Instagram notamment, pour que je sache ce qui vous plaît. À bientôt sur Beauté Imaginée! Voici Beauté Imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté Imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Красоты и секреты своей.